Britannicus, la deuxième tragédie de Racine, que je propose maintenant à votre attention, se déroule à Rome, dans une chambre du jeune empereur Néron, fils d'Agrippine. Comme tous les empereurs romains, depuis Auguste, le premier, Néron est surnommé César. Il règne depuis 2 ans à peine, car Agrippine, sa mère, nièce de l'empereur Claude, lui a fait déshériter Britannicus, son fils, pour mettre Néron sur le trône. Or, Néron vient de faire enlever l'amante de Britannicus, Junie, ce qui ne manque pas d'inquiéter Agrippine, qui voit progressivement disparaître ses privilèges. « Je vois mes honneurs croître et tomber mon crédit. Non, non, le temps n'est plus que Néron, jeune encore, me renvoyait les vœux d'une cour qu'il adore, lorsqu'il se reposait sur moi de tout l'état, que mon ordre au palais assemblait le Sénat. » Et que derrière un voile, invisible et présente, j'étais de ce grand corps l'âme toute puissante. Des volontés de Rome, alors mal assurées, Néron de sa grandeur n'était point enivré. Ce jour, ce triste jour, frappe encore ma mémoire, où Néron fut lui-même ébloui de sa gloire, quand les ambassadeurs de 32 rois divers vinrent le reconnaître au nom de l'univers. Sur son trône avec lui, j'allais prendre ma place. J'ignore quel conseil prépara ma disgrâce. Quoi qu'il en soit, Néron, d'aussi loin qu'il me vit, laissa sur son visage éclater son dépit. Mon cœur même en conçut un malheureux augure. L'ingrat, d'un faux respect colorant son injure, se leva par avance, et courant m'embrasser, il m'écarta du trône où je m'allais placer. Depuis ce coup fatal, le pouvoir d'Agrippine, vers sa chute à grands pas, chaque jour s'achemine, l'ombre seule m'en reste, et l'on n'implore plus que le nom de Sénèque et l'appui de Burrus.